gens n'en finissent pas d'arriver. Ils ont bien sûr fait le tour par Saint-Louis pour prendre la mère Renaud. Tiens, au fait, nous allons donc la voir, cette brave vieille, là. À propos, Père Planète, est-ce que c'est pas une de tes anciennes? Tais-toi, marinier. Hey, il paraît que du temps du Père Renaud, là. Tais-toi, marinier. Vous savez, comme on dit, glaner du blé de lune ensemble. Marinier. Le foot Balthazar et de ses planètes. Riez-en tant que vous voudrez. Mais cette histoire-là, c'est sacré. Je défends qu'on y touche. Oh, c'est bon, on n'a pas voulu te fâcher, que diable, là. Mais non, Père Balthazar, vous savez bien. Mais j'ai jamais vu une maison pareille, moi, pour prendre les histoires de femmes au sérieux. C'est comme l'autre, là, avec son Arlésienne. Il semblait tant que c'était fini, là, qu'il n'y avait plus d'espoir. Et puis maintenant, là... Les voilà. Oh... Le voilà donc encore, ce vieux Castelet. Laissez-moi un peu, mes enfants, que je le regarde. Bonjour, mère Renaud. Quel est ce beau monsieur? Je ne le connais pas. C'est mon frère, mère Renaud. C'est le patron, Marc. Capitaine, alors... Je suis votre servante, monsieur le patron. Patron, elle n'a pas vu ma casquette. Ça me fait plaisir de revoir toutes ces choses. Il y a si longtemps. Depuis ton mariage, Français. Est-ce que vous vous reconnaissez, grand-mère? Je le crois bien. Par ici, la magnanerie. Par là, les hangars. Le puits. Est-il Dieu possible que du bois et de la pierre vous remue le cœur à ce point-là? Attendez, nous allons rire. Et celui-là, mère Renaud, est-ce que vous le reconnaissez? Je crois qu'il est de votre temps. Bonté divine. Mais c'est... C'est Balthazar. Dieu vous garde, Renaud. Oh, mon pauvre Balthazar. Les vieux tourtereaux, là. C'est ma faute. Je savais que vous alliez venir. Je n'aurais pas dû rester là. Pourquoi? Pour tenir notre serment? Va, ce n'est plus la peine. Dieu lui-même n'a pas voulu que nous mourions sans nous être revus. Et c'est pour ça qu'il a mis de l'amour dans le cœur de ses deux enfants. Après tout, il nous devait bien ça, pour nous récompenser de notre courage. Oh oui, il nous en a fallu du courage. Que de fois, en menant mes bêtes, je voyais la fumée de votre maison qui avait l'air de me faire signe. Viens, elle est là. Et moi? Quand j'entendais crier tes chiens et que je te reconnaissais de loin avec ta grande cape, il m'en fallait de la force pour ne pas courir vers toi. Enfin, maintenant notre peine est terminée et nous pouvons nous regarder en face sans rougir. Balthazar. Renaud. Est-ce que tu n'aurais pas de honte à m'embrasser, toute vieille et crevassée par le temps, comme je suis là? Oh! Eh ben alors, serre-moi bien fort contre ton cœur, mon brave homme. Voilà 50 ans que je te le dois, ce baiser d'amitié. Vivette, je t'aime. Bien sûr. Dites donc, mère Renaud, mais si nous allions un peu du côté de la cuisine, oui, là... Allez, attends Balthazar... Allons, berger. Oui, je viens. Vivette, écoute ici. Regarde-moi. Qu'est-ce que tu as? Tu n'es pas contente? Mais si, Frédéric... Tais-toi, ne mens pas. Tu as quelque chose qui te tourmente. C'est ton malade qui te fait peur? Tu n'es pas encore sûre de lui? Eh bien, sois heureuse. Je te jure que je suis guéri. Quelquefois, on croit ça et puis... Je n'ai plus qu'un désir. Mettre ma tête là. sur ton épaule et y rester toujours. Mais tu vois bien que je suis guéri. Ainsi, c'est bien vrai. Tu m'aimes. Oui. Et l'autre, celle qui t'a fait tant de mal, tu n'y penses plus jamais? Je ne pense qu'à toi, Vivette. Pourtant. Mais sur quoi veux-tu que je te le jure? Tu es seule dans mon cœur, je te dis. Alors, pourquoi gardes-tu des choses qui te la rappellent? Mais je n'ai rien gardé. Et ces lettres que tu as, là? Comment tu savais donc? Eh bien oui, c'est vrai, je les ai gardées longtemps. Mais à présent, regarde. Elles n'y sont plus. Balthazar est allé les rendre ce matin. Oh, mon Frédéric, tu as fait ça, comme je suis heureuse. Oh, si tu savais comme elles m'ont fait souffrir, ces lettres. Quand tu me prenais contre ton cœur et que tu me disais « je t'aime », j'y sentais toujours là, sous ta blouse, et ça m'empêchait de te croire. Ainsi, tu ne me croyais pas. Et pourtant, tu voulais bien devenir ma femme. Ça m'empêchait de te croire, mais ça ne m'empêchait pas de t'aimer. Et maintenant, si je te dis « je t'aime », est-ce que tu me croiras? Dis-le pour voir. Oh, mon amour.